Ladies and gentlemen, en direct et en exclusivité pour vous, de 20h à 22h, c'est Jadoul. Let's go. Bonsoir à tous, comment vous allez? Alors, nous sommes en très grande forme, nous sommes tellement déchaînés aujourd'hui. Alors je vous le dis, nouveau générique, ouais. Une équipe, mais remontée, boostée. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point là ils vont tout déchirer. On est ensemble de 20h à 22h et c'est parti, on fait le tour de l'équipe. Je souhaite la bienvenue et surtout je présente à nos auditeurs Alice à Noël. Coucou. Comment ça va? Ça va et toi? Oh, je suis trop content de te voir. Oui, moi aussi. Ah, je vois, tu es habillée mais ouais. Chic. Parce qu'en fait, ça fait 2 semaines qu'elle venait sans comprendre qu'on était filmé. Et maintenant, du coup, elle s'est dit, on va faire. Voilà, elle a fait le lien. Et à côté d'elle, celui qui donne une claque à tous les mecs de cette équipe, qui prouve bien qu'on peut venir à la radio et être élégant. Oh, arrête. Voici Emilien avec nous, bonsoir. Salut, ça va? Ça va, je suis très content d'être là. Ah, moi aussi. C'est vrai? Ah bah, c'est mon petit rendez-vous du samedi soir. Hein. Ah ben, bah, je suis très content. J'espère que chez vous aussi, ça vous structure un peu votre semaine de vous dire que Jadoul est là de 20h à 22h. Alors je me présente, voilà, je m'appelle Jadoul. Je vous souhaite la bienvenue. On est là pour quoi? Pour déconner, avant tout. On est là pour s'informer également avec les news de la semaine, pour entendre Alissa chanter dans quelques instants sur l'antenne d'Hilar FM, et aussi pour entendre toutes vos réactions au numéro de téléphone de la radio, Alissa. On entend le papier là qui défile. Alors, ah, c'est bon, c'est là. Le 032 49 9 15 75. Ouais. Oh, je vous adore. Ok, Emilia, de tête sans regarder la feuille. 32 49 9 15 75. Bonne réponse. Yes. Grâce à Alissa. Hein, parce pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé de notre générique en mode Halloween là? Ah, trop bien. Je m'y attendais pas. Ah, moi j'aimais beaucoup, moi. J'ai eu peur. Ils ont même réussi à remixer le 1, 2, 3 là avant le générique. Là. J'ai adoré. C'est assez space. On se le repassera, je pense, à la moitié de l'émission. Pourquoi pas. Comme ça, on va être bien. Alors, on va appeler des gens pour leur souhaiter bonne fête, je pense, dans cette émission. Qui va-t-on appeler? Allô. Attends, je réfléchis. Les Géraudes. Les Géraudes, ouais. Vous connaissez des Géraudes? Bah, ou alors des Édouards, des Saint-Exubéry, ouais. Des Saint-Feustre, le Petit Prince, des Martyrs, des Saint-Goraud. Ouais, on va plutôt garder Édouard, quoi. Ou Géraud. Ouais, il y en a beaucoup. C'est aussi la Saint-Rémo, la Saint-Théophile, la Saint-Janvier. C'est des gens qui s'appellent Janvier. Bah écoutez, Saint-Théophile aussi, ça c'est ouais, Théophile, c'est charmant. Saint-Théophile, c'est plus connu quand même, hein. C'est plus connu. Géraud, j'en connais pas beaucoup, hein. Non plus. Okay. Je serais curieux. Je pense que je vais même pas faire le canular, je vais juste leur demander: ah, vous vous appelez Géraud, ça existe? Enfin, je pense qu'il y aura moyen de s'amuser. On vous accompagne durant le week-end, c'est Jadoul, 20h-22h. Et notre Emilia nous a prévu des news de la semaine, comme chaque fois. Alors là, tu as des doses, hein, je pense. J'en ai beaucoup, ouais. Tu vas pouvoir nous amuser dans quelques instants. On va avoir également notre dossier sur les journées mondiales. Ah, là, on va encore se marrer puisqu'on a trouvé encore des journées mondiales complètement dingues. Vous savez que... Allez, on va déjà un petit peu vous dire ce qu'il y a dans la séquence. Vous savez combien il y a de journées mondiales sur toute l'année? Pas du tout. Pas du tout? Non. Vous pouvez pas estimer, Alissa? 32. Bah non. Il y a au total 309 journées mondiales sur toute l'année. Mais c'est dingue. C'est dingue, c'est pour ça qu'on a le choix. Là, je vous le dis, j'en ai une vingtaine, ça prend une page à 4. On va pouvoir s'amuser dans quelques instants. Alors, je suis fan d'un morceau en ce moment, je sais pas pourquoi. Je peux l'écouter en boucle. Et je vous explique à cause de quoi. J'étais dans le train, c'était hier. Je me pose et le suivant arrêt du train, il y a un groupe d'étudiants qui montent, mais avec des haut-parleurs. Et qu'est-ce qu'ils mettent dans leur haut-parleur à fond? Partenaire particulier. Ah. mais à fond dans tout le train. C'est bien. Et alors du coup, au début, tout le monde était là, mais alors tout le monde, les vieux, les âgés, tout le monde était là. Oh, c'est chiant qu'ils coupent leur musique. Et quand ils ont mes partenaires particuliers, tout le monde était d'accord dans le train. Bah oui. Et même ceux qui en avaient marre commençaient à chanter partenaire particulier. Ça devait être trop stylé. C'était génial. Honnêtement, c'était un moment de vie dans ce train. Au moins, quand on n'a pas une heure de retard, on a des moments de vie comme ça. C'est assez sympa. Non, honnêtement, j'ai bien aimé. Non, mais imaginez juste la scène avec tout le monde en train de chanter là. Je suis sûr qu'Alissa peut le chanter. Non? Ouais. Ah. Mais bof, quoi, je connais pas trop les paroles. Hein. Tu connais pas les paroles, mais c'est pas compliqué. Si, plus ou moins. Mais ce son est légendaire quand même. Dans les balles, ça passe au moins obligatoirement. Montez le son si vous êtes dans la voiture, vous nous écoutez sur Radio Sud ARL ou Ilar FM, on vous souhaite la bienvenue. Je sais que ce son ça attire tout le monde, c'est multigénérationnel. Ouais, c'est la bonne humeur d'office. Nous on aime bien nous. Je trouverai cette fille qu'il me manque tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qu'il me manque tant, qui me manque tant. Attention Alissa. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Bienvenue, pas trop timide. Une bonne dose de savoir-faire. Voilà, au bout de 5 minutes d'émission, on a déjà perdu la moitié de notre audience. Non, mais ce titre, je vous le dis, ça a fait ma semaine. Alors, une autre que j'aime beaucoup, c'est quand même Christine and the Queens. Son nouvel album, il déchire. Hein. Je sais pas ce qu'elle a mis dedans, si ce n'est que du talent. Voilà, alors quel est ton artiste en ce moment qui déchire tout selon toi, Alissa? T'en as pas du tout? Non, j'aime bien toutes les musiques, moi. Ah d'accord, et toi, Emilien? Vald. Vald? Ouais. Pas étonnant. Je m'y attendais. Enfin, non, même pas. Non, Vald, laquelle? Oh bah. Toutes! Si je devais en prendre une? Ouais. Rocking Chair. Rocking Chair. Ben on s'écoutera peut-être dans quelques instants. Ouais, mais là tout bien, de suite, c'est Dame, dis-moi de Christine and the Queens. Je l'adore en ce moment, elle est au top. J'aime bien ce. Il y a un petit groove. Ouais, t'as envie de t'as danser. Ouais, t'as envie de prendre un verre. Et elle est près d'une filière. Alors. Ça gaze à l'ancienne. Alors là, je pense pas que ça ferait du succès. Pas du tout. Bienvenue, vous êtes chez Jadoul, je vous souhaite une belle soirée. Et avec Alissa, c'est pas toucher, c'est sentir, sentir, sentir. Étant donné que c'est la seule qui, pendant la musique, dit « Tiens, Emilien, sans mes cheveux. » C'est juste dingue. Vous êtes chez Jadoul, passez une belle soirée. Jadoul. Alors, ce qui est dingue, c'est quand même Alissa. Non mais à quel moment des phrases comme ça te passent par la tête? Ça a tellement surpris Alissa, ouais. Ça a surpris Emilia, elle était sur son téléphone. J'entends d'écrire un message et puis j'entends même sortir les cheveux. J'étais là, ok. Exceptionnel Alissa. Avec Emilia qui a découvert maintenant la définition du mot gel douche. Ouais. Oui, bah t'as vu, je lui apprends des trucs quand même. Ouais, bah tu Merci. Vois. Je te remercie beaucoup. Non mais alors, pour toi, qu'est-ce que c'était un gel douche, Emilia? Bah genre... quand j'étais plus jeune, je dis pas que je suis vieux quoi, mais si. En gros, le gel douche pour moi c'était genre c'était pour tout, les cheveux et le corps. Mais c'est ça en fait, je pense. C'est quoi qui n'est pas pour les cheveux? C'est du gel douche, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour le corps. Ouais, et... mais du gel, ça se met dans les cheveux, c'est ça? Mais oui, non, mais c'est corps et cheveux. Mais non, gel douche c'est que pour le corps et le shampoing c'est pour les cheveux. Oui, mais il y en a un qui combine les deux. Et c'est le gel douche, non? Bah non. Bah si. Il n'y en a pas aucun qui combine les deux, les amis. Hein. Bah bien sûr que si. Si. Je rejoins Jadoul. Tous les axes, tous les machins là, on en cite d'autres, hein, les fétiches, les machins, le bordel, les Nivea Men. Bah oui, moi je me douche avec un, comment ça s'appelle, un Dove Men Plus Care là, je sais plus trop quoi là. Bah ça c'est cheveux et peut-être vous pour les, mais peut-être vous les mecs, mais nous en tout cas les filles, eh ben on utilise un shampoing et un gel douche. Je veux dire, tu vas au camping, tu as un gel douche qui te lave les cheveux et le corps, ça va, mais je veux dire pour les filles ou pour moi qui a les cheveux fort fins, tu prends du Eden Shoulders pour les cheveux et du gel douche. Oui, ok, je comprends, mais il y en a un qui combine les deux, j'en suis sûr à certains. Vous participez avec nous et vous dites que j'ai raison ou dites que j'ai raison, mais il y en a un des deux qui va avoir raison ce soir en tout cas. Vous nous appelez plus 32 49 9 15 75 ou vous envoyez un petit SMS et vous recevez directement notre collant, en tout cas si vous passez avec nous à l'antenne. Et ça, évidemment. Et si j'ai raison, et s'ils me disent que j'ai raison, et ben je leur envoie des sucettes à la poste. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Bah ouais. Elle va être endettée, sucette. C'est de la triche. Déjà qu'avant l'émission, elle nous dit bon, bah j'ai 10 euros, je vais pouvoir aller boire une bière. Ouais, je balance, je suis désolé. C'est pas Allez. Vrai, l'alcool, c'est pas bon. Petite news de la semaine rapidement, c'est parti. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser. C'est les news de la semaine. Alors, ça se passe au Canada. Je vous propose de deviner de quoi il s'agit. J'ai fait une grande peur à Emilien. Il m'a regardé, il a fait « C'est moi qui fais les news ?» Moi, j'ai fait « Oui !» Du coup, il est un peu stressé, c'est pas grave. Alors, c'est au Canada que ça se passe. Quelqu'un a retrouvé quelque chose dans la doublure de sa veste qui lui a porté vraiment bonheur. De quoi s'agit-il? Je vous laisse deviner. Un trèfle à quatre feuilles. Un trèfle à... Non. Un chèque énorme. Pas vraiment un chèque. Un billet de loto. Un ticket de loterie. Ah, gagnant. Elle a été Allez, plus rapide. Bim non, mais non. Non, parce que j'ai précisé qu'il était gagnant. Non, un billet de... Un point chacun. Non. Si, c'est tout. T'es un tricheur. J'ai précisé qu'il était gagnant. Non, bon, attendez. Je sais qui va trancher. On fait venir un témoin là, qui était là en dehors du studio. Excusez-moi, monsieur. Qui a eu bon? Je dirais que c'était Alissa. Ouais, voilà. N'importe quoi. De la triche. Oh, écoute, Emilia, soyons un peu galants. Hein. Je sais que les filles, c'est pas ton truc, mais. je rigole. On se rappelle que la semaine passée, évidemment, Alissa a balancé qu'il avait une copine. Je m'en rappelle. Ne t'inquiète pas, je m'en rappelle. Oui, mais je le rappelle aux auditeurs, comme ça. Et il faut savoir que ce qui était mignon, c'est que. Il faut savoir que, avant de venir, Emilia est avec sa copine. Et ça, c'était trop mignon. Ouais. Merci. Je vous aime fort en tout cas. Hein. Mais quoi, ça on pouvait le dire? Oui, bah oui. Oui, il faut pas dire par contre que. Elle s'est endormie dans ses bras. Ouais. Bon, les gars, il se fait tard, moi je vais tous m'en rentrer chez moi. Ah, ouais. Mais c'est bon, j'ai rechaud. Attendez, j'enlève mon pull. Mais non! En plus, on lui promet qu'on le dira pas à l'antenne et tout. Mais elle, on y va. Et c'est toi qui a lancé la perche, tu savais très bien que j'allais le dire. Hein. J'avoue. Toi, non, j'ai cru qu'il allait se mettre torse nu dans l'émission. Je lui dis, qu'est-ce qu'il va faire? Non, Terrence n'est pas là. Alors, en tout cas, là, on est bien parti. Hein. Je suis désolé, Emilien. Il va me détester. Hein. Chaque semaine, j'aurai une couille. Non, mais après, c'est pas grave, je prends bien. Non, mais moi je n'allais pas balancer le morceau. Ouais, c'est vrai que c'est chaque fois Alissa. C'est chaque fois Alissa. Il va me détester. Oh, mais ça va, ça met de la bonne humeur. Ça met de la bonne humeur, mais je pense pas que ça plaît à Emilien à 100%. Emilien, ça te plaît pas? Si, bien sûr. J'ai cru qu'elle allait dire si ça te plaît pas, tu peux te barrer. Exactement. Genre, elle est productrice de l'émission, tu sais. Oui. Bon, écoute, Alissa, on va te donner un jugement. Attention. Tu as pour mission de nous chanter une chanson popopo avec l'accent portugais. Tu nous feras ça dans quelques instants. Non. Je te rappelle que tu t'appelles Alissa da Silva Noël, donc tu as l'accent portugais. Bah non, ça s'entend pas. Non, mais tu en as un, enfouillant-toi. Non. Bah si, j'en suis sûr. J'ai jamais eu d'accent, vraiment. C'est pour m'avoir balancé. Mais même pour mes parents et tout, mes parents et ma famille là-bas au Portugal, ils disent j'ai aucun accent, aucun. Même du côté français que du côté. T'as un peu l'accent belge quand même. Emilien, lui, il a un accent un petit peu quand même prononcé belge. Moi ouais, si, c'est ah, ouais, ouais. Ah, si. Franchement, moi, je suis un radar à accent. En fait, moi, je passe mes journées à analyser les gens et après à reproduire leur accent. J'adore ça. Je suis complètement psychopathe. Bon, on en était où dans cette émission? On a fait tellement de dérives. Ah oui, il faut savoir qu'on parlait d'un Canadien qui a retrouvé un vieux ticket de loto. Voilà, on fait un bond de 5 minutes dans l'émission. Alors, c'est un gars, il a retrouvé dans la doublure de sa veste un ticket de loterie qui valait 1 075 000 dollars. Un truc complètement dingue. Ça, j'aimerais bien, moi, avoir des vestes et. Ouais, moi aussi, hein. Alors voilà, il faisait simplement du rangement dans ses affaires, sur les conseils de sa sœur, et bah, c'était une bonne raison hein, de le faire, étant donné qu'il a quand même empoché ce billet vendredi. Et ce ticket, c'était pas à lui? Ah si, c'était à lui. Ah, il s'en est jamais rendu. Il s'en souvenait pas lui? C'est-à-dire qu'il a réalisé la valeur de son gain, son cœur s'est presque arrêté parce qu'il a acheté ce billet, mais il a jamais été vérifié s'il était bon. Donc du coup, il était très content, je pense. Moi aussi, je serais content de voir ça sur mon compte bancaire un jour, un matin. Tu te lèves et hop, facturer 1 million d'euros. Là, ce serait sympa. Et donc voilà, la loterie nationale était très contente de lui faire gagner ses gains. Voilà, une petite actu assez sympa. Ouais. Si vous avez gagné déjà 1 million, envoyez-nous un petit SMS. Et partagez avec nous surtout. Hein. Regardez là, voilà. Oh là là, dans quelques instants. Alors aujourd'hui, émission un peu raccourcie, donc on n'aura pas le zap de Jadoul. Oh. Désolé. Dommage. Mais on aura en échange un petit truc qui a fait polémique. J'étais l'autre jour sur Twitter, c'était hier soir je pense, et il y a eu quelque chose qui est sorti, ça concerne un groupe de musique marseillais, je vous en dis pas plus, mais ça a fait polémique, ça a fait polémique. On a des extraits sons, on a de quoi analyser tout ça, on va se marrer, on va aussi s'inquiéter pour eux. Enfin ça s'annonce quand même compliqué. Je vous souhaite la bienvenue en tout cas, hein. Emilien, ça va? Oui, on le connaît le groupe Ah oui, bah en tout cas vous connaissez direct un titre de ce groupe là, vous l'écouterez. Oh, il y a une cassette! Il y a une cassette cette semaine, je l'ai complètement zappée. Il y a une cassette de Jadoul. Alors quel est le principe de la cassette de Jadoul, Emilien? Est-ce que tu l'as toi? Je l'ai. Tu vas nous mettre une musique très très modifiée, donc ça sert à rien d'aller sur Shazam, ça sera impossible à retrouver. Tout à fait. Et il faudra nous redire le titre de la chanson, et si vous l'avez, vous nous appelez et vous repartez avec un petit cadeau. Tout à fait. Oh bah je pouvais pas faire plus propre que ça. Je te félicite Emilien. Merci. Tu m'impressionnes. Oh, tu t'améliores d'émission en émission. Voilà, je viens de lui balancer un fleuriste. Ouais. En tout cas, comme ça c'est fait. Bon alors, on va se faire la cassette de Jadoul. N'hésitez pas à nous envoyer un petit SMS pour nous dire la bonne réponse et on tirera au sort d'ici la fin de l'émission, c'est-à-dire vers 22h, mais je sens qu'on va un petit peu déborder quand même parce que cette émission, c'est que du bonheur. On aime bien débordé, et oui, comme moi et mon estomac. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je suis désolé. Allez, c'est parti, le jingle de la cassette de Jadoul, s'il te plaît, Alissa, est-ce que tu peux le lancer? Oui. Allez, vous pouvez le son de la semaine. C'est la cassette de Jadoul. C'est parti, je la mets dans le lecteur. On la rembobine, c'est parti. On sait pas la Java, le cha-cha connaît pas. Quand on fait le mambo, on s'en mêle les nougats. Ah, il est chaud celui-là, hein. Il est What? Chaud. Alors, il faut évidemment connaître les années 80 pour le reconnaître, ah, celui-là. Ouais, hein. Ouais. Alors voilà, c'est le premier indice, années 80. Alissa, est-ce que t'as quelque chose là? Non, pas du tout. Est-ce que t'as un dessin? Oui, un parce qu'en fait, elle s'amuse à dessiner. Je comprends pas. Bah voilà, écoute, on remettra la cassette dans quelques instants pour essayer de deviner. Donc là, il n'y a rien qui vous vient à l'esprit? Non. Non, pas du tout. J'ai même pas reconnu la chanson. Ah, d'accord. Bah. C'est qui a arrêté la cassette? C'est moi, on va la rejouer dans quelques instants, vous inquiétez pas. On va faire tout ça ensemble. De toute façon, je vous le dis, cette émission, on est sur l'autoroute du bonheur. Et dans quelques instants, la séquence qui va faire plaisir à Alissa. La séquence Halloween avec un grand quiz, un grand truc, ça va être assez marrant. C'est la première manche. Déjà, vous pouvez vous inscrire pour gagner vos cadeaux. Vous envoyez un petit SMS Jadoul plus 32 49 9 15 75 et on vous ouvrira la grotte aux cadeaux le jour d'Halloween avec dedans tout ce qu'il faut pour vous rendre heureux. Bien, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais. Je sens qu'Alissa elle est impatiente pour cette séquence. Alors, alors là. T'aimes pas Halloween en fait? Je déteste Halloween. Tu détestes à ce point? Je déteste, ça me fait trop peur, ça me fait flipper ces trucs là. Rien. Oh, bah. Ah, je savais pas que c'était à ce point. Ah ouais, non. Bah, je m'excuse. Je supporte pas. Mais on va pouvoir te faire frissonner car non. Il y a des petits secrets sur les chroniqueurs et ça va être assez sympa. Ah bah attends, je suis aussi un chroniqueur. Ah oui, oui, bah oui. Moi, je suis contente parce qu'il y a rien comme secret sur moi donc. Ça, t'en es pas sûr. Bienvenue à vous. Il est 21h, je vous souhaite la bienvenue. On vient de perdre Alice, elle a maintenant décomposé. Bienvenue à vous. Vous écoutez Jadoul, 20h, 22h en direct. Vous êtes bien avec nous, non? Et là, Emilien quitte la piste de danse du studio après une danse endiablée. Non, mais alors, honnêtement, j'ai fait l'animation aux années 80, là, il faut savoir. Dans les discothèques, c'était comme ça. Allez, on va tous sur la piste, c'est parti! C'était vraiment comme ça, il faut savoir que. Alors, si on remonte encore dans les années 80, c'était encore pire. C'était allez, on invite madame, c'est parti, on va sur la piste. Alissa est en folie. C'était comme ça, mais je vous jure que c'est vrai. Et je connais des radios où ils animent encore comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai, non dans le temps, je vous jure que c'est vrai, ils faisaient des lancements radio. Et je vous jure que ça ressemblait à un truc du style. Attendez, je vais vous mettre n'importe quoi. Un truc. Attends. Allez, dans quelques instants, on va s'écouter le nouveau Michael Jackson. Et juste après ça, on va se faire les tout nouveaux Soft Cell. Et tout de suite, 3000 puissances sont dans votre radio. C'était vraiment des trucs ridicules comme ça. Ces années, ça me fait rêver vraiment. Ah oui, mais 70 alors, et tout ça. Ah je peux écouter les habillages des radios 70, 80, 90, mais en boucle. Ouais. C'est-à-dire que rien qu'écouter le jingle d'une grosse radio à la Panthère, là, on la citera pas, en trois lettres. Ah, c'est bon, je l'ai. Voilà. Ben, rien que cette radio-là, avec ses jingles en mode années 80, c'est juste dingue. Ouais. C'est incroyable. C'est laquelle? On lui dit quand même trois indices et elle ne sait pas savoir c'est quoi. Tu vois? Ah oui, on lui a passé un papier avec ce que c'est quoi noté dessus. On a oublié. En tout cas, voilà, on vous souhaite la bienvenue. Vous êtes chez Jadoul et tout se passe bien jusqu'ici. Jadoul, 20h, 22h, sur Iller FM. Dans quelques instants, qu'est-ce que tu vas nous chanter, Alissa? Zombie, les cranberries. Zombie, ah j'adore. Oh, moi aussi. Je sais un peu ce que c'est la chanson. Waouh. Ah oui, oui. Ah oui. Oui, le remix, celle de maintenant. Non. Ou l'original. L'original. Ah, c'est bien, ça c'est bien. Parce que la nouvelle qui est sortie, il y a un remix. Il est pas. Ouais, il est pas fou. C'est des Bad Wolves. Ouais, Bad Wolves. Et j'aime pas trop parce que. Bah, j'aime bien. Mais j'aime pas parce que au final ils ont j'aime bien mais j'aime pas. C'est trop du on dirait du hardcore un truc. Ouais, j'aime pas trop, ouais, c'est trop rock. J'aime pas. Je trouve que reprendre une musique comme ça, tu vois, tu peux pas, c'est trop classique, tu vois. C'est ça. Un classique, tu parfois il faut savoir laisser. Il faut savoir que par exemple la femme de John Lennon. J'arriverai à le dire. Elle a fait une reprise de la chanson de son mari. Il faut savoir que c'était un fiasco. Elle l'a tué une deuxième fois. Hein. On l'écoutera dans quelques instants. On va essayer de vous le trouver. Notez-le qu'on cherche après ça durant la pub. Et on va pouvoir se marrer là-dessus. Allez, on fait le dos sur les journées mondiales, si vous le voulez bien. Ouais, go. Alors, il faut savoir qu'il y a 309 journées mondiales par an. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'œuf. Yes. C'est également la journée mondiale de la sécurité routière. On rappelle évidemment qu'en juin, quand on est obligé sur l'antenne de faire des pubs pour les promotions routières, j'ai lâché en direct à l'heure de grande écoute, celui qui ne conduit pas, c'est celui qui ne boit pas. Alors que, on rappelle, Alissa va vous faire la promotion, dis-le. Celui qui conduit ne boit pas. Tout à fait. Alors faites gaffe, hein, si vous nous écoutez, voilà, vous avez envie d'aller en soirée, vous nous écoutez peut-être là avant d'aller dans un bal ou quoi, ne buvez pas. C'est important. Pas de la merde, quoi. Voilà. C'est ça. Alors, c'est également la journée internationale de la de la prononciation. C'est la journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Ah, les volcans et tout? Non, t'as coiffure. Non, je rigole. Et c'est également la journée internationale, la préférée d'Alissa, la journée internationale du hamburger. Oh. Ah, moi, c'est ma journée, ça. Ah, moi aussi. Oh là là. Ah, si. Alors, demain, journée mondiale pour la normalisation. Ça veut dire quoi? Et je sais pas. C'est pas bien d'utiliser le terme normalisation parce qu'il y a personne, il y a rien qui est normal de toute façon. Bah, tous uniques. Moi j'ai un ordinateur sur les yeux avec un traitement de son qui s'appelle normalisation. Donc bon il y a aussi du bon hein, sous le nom normalisation. Alors lundi, journée internationale des fossiles, Alissa. C'est la journée nationale des toxicomanies, Alissa. C'est la journée internationale de la femme rurale, Alissa. Tu vas te taper toi. Ah bah alors là. C'est la journée mondiale du lavage des mains. Non, elle connaît pas. C'est la journée mondiale de la canne blanche. C'est également la journée mondiale contre la douleur. Donc vous ne pouvez pas faire l'émission. Et c'est la journée mondiale de la sensibilisation au deuil préninatal. À tes souhaits. Merci. Alors, ensuite, mardi, ce sera la journée missionnaire mondiale. Ensuite, la journée mondiale de l'alimentation. Ouais, les mecs qui aiment bien l'électricité, les prises d'alimentation, ils aiment bien. Ouais. Ah, okay. Ensuite, c'est la journée mondiale de la colonne vertébrale. Mais c'est inutile, comme l'œuf. C'est quoi cette utilité? Bah, c'est là, tous les médecins, ils sont contents. Bonjour ma petite dame, vous savez que c'est la journée mondiale de la colonne vertébrale. Je peux vous dire que la vôtre est pas en forme. Et c'est également la journée mondiale du pain. Bon, ok. Bon bah au moins mercredi on a des journées plus utiles avec la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Ça c'est important. Et on a la journée mondiale du refus de la misère. Ne venez pas protester durant Hilar FM, ça changera rien. Et jeudi, on aura la journée internationale de la résolution des conflits. Comme quoi, c'est bien. Hein ouais. Ça se trouve, je vais me réconcilier avec mon meilleur ami avec qui je suis brouillé depuis décembre passé. Qui sait. Ou ce sera également la journée mondiale. Ah, bah tiens, Alice prend des notes. La journée mondiale de la ménopause. Mais je vois la ménopause. Je suis pas si vieille quand même. Non, je déconne. Bah voilà, en tout cas, vous êtes au courant des journées mondiales. Si vous avez quelque chose à fêter, bah bonne fête. Allez-y. Bonne fête. On s'amusera. Il y en a une de toutes celles-là que vous allez fêter? La fête de l'œuf. La fête de l'œuf? Ouais. Bah, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire en rentrant? Il va manger un œuf. D'accord. Bah, tu veux faire ça avec ça? Avec la fête de l'œuf, tu veux faire quoi? Bah, c'est vrai que. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. C'est ça. Bon, bah voilà, on a fait le petit tour des journées mondiales. Bon, bah, c'est sympa. J'espère que vous avez de quoi la fêter chez vous. Dans quelques instants, on se fera le jeu d'Halloween. Et évidemment, Alissa va nous chanter The Cranberries avec Zombie. Oh, bah, tu vois, ça tombe dans le thème. Ah, bah oui, Zombie, Halloween, Hilar FM Halloween. Ouh, bim, on est bon. Allez. Vous avez vu le visuel Halloween, Hilar FM sur les réseaux sociaux? Ouais, j'ai vu. Ah, il claque. Bien fait, hein. Ouais, il claque avec la toile d'araignée. Et tout ça, c'est assez sympa. C'est allez toi qui voir. L'as fait oui. allez voir ça, c'est sur le Facebook, le Twitter, l'Instagram d'Hilar FM. Et vous pouvez également nous suivre l'émission sur Facebook. C'est la page Jadoul. Également sur Twitter, Instagram, Snap, on est partout. Je vous invite à nous suivre et évidemment à écouter les podcasts. Est-ce qu'on a des petits SMS là qu'on reçoit au standard? Je pense qu'on en a quelques-uns. On en a sélectionné 2-3. Alissa, est-ce que tu peux nous en lire un? Oui, on a Julie qui nous dit « Jadoul, cette voix est énorme, ah ah ah ah ». Ah oui, bah ça c'est sûrement en référence au générique, avec la grosse voix qui dit « Jadoul ». Elle est sympa celle-là, moi elle me donne les frissons. Et on en a encore d'autres? Oui. Ah bah lis, surpris. Myriam qui dit « Je vous écoute tous les matins en podcast, bisous, bonne nuit Amy ». Bonne émission je pense. Ah merde. Bonne nuit Amy. J'adore. Oh là là là là. Qu'est-ce qu'on va faire hein? Oui c'est vrai, c'est marqué bisous bah BN oui. Amy. Ça bah veut oui. dire bonne émission je pense. C'est pas bonne nuit Amy. Bah je sais pas. C'est et comme s'il y a des gens qui nous envoyaient des SMS. Ouais. Claudia, tu penseras à fermer la fenêtre en sortant de chez toi. Je qui passe par la radio pour ça. On en a un dernier au moins pour sauver l'affaire. Ouais, Steph qui dit à quand une émission en public? Ah bah écoute Steph, dès qu'on aura l'occasion. Ouais. Parce que bon bah dans ce studio accueillir du public c'est chaud. Ouais. mais qui sait, le faire peut-être à l'entrepôt, enfin dans des endroits à Arlon, on a des contacts, c'est assez sympa. On tente déjà d'organiser ça depuis un an. Et on va peut-être un jour concrétiser ça. Ça bien. Ouais. Vraiment. Qui sait, si on a un peu de chance, on y arrivera un jour ça peut-être. Bien, ouais. Ou si vous êtes quelqu'un dans la région, testez les élections. S'il y a des gens qui font des élections et qui ont envie qu'on vote pour eux, bah. Eh ben vous savez quoi faire. Hein. Voilà, c'est ça. Vous savez mettre ça sur votre programme et on votera pour vous. Et on vous fera de la pub à l'antenne. Ouais, c'est de la corruption. Vous pouvez nous acheter. Non, allez, on déconne. Bon, vous souhaite la bienvenue si vous êtes même politicien. Moi, je vous le dis, les élections, en ce moment, j'en ai ras le bol. Hein. Ah ouais, moi aussi, je reçois des trucs tous les jours. Ah, j'ai rien contre, j'ai rien contre les gens qui font les élections. Il y en a un qui sait dans le studio, il peut se faire tout petit. Ouais, j'ai rien contre. Mais non, ce qui m'énerve juste, c'est que, par exemple, j'ai mon médecin, il se présente aux élections. Ah. Alors, du coup, il m'envoie une lettre. Bijou de monsieur Jadoul, je vous demande de voter pour moi. Et donc il m'écrit ça. Oui, il avait pas l'accent sur le papier, mais bon, je l'ai lu avec sa voix. Et donc du coup, il se sert de ses patients pour voter pour lui. Enfin, je fais pas de politique, hein, mais je dis juste que c'est un petit peu beaucoup. Et un de mes profs que j'avais eu à l'école, eh ben, il se présente aux élections. Pareil. Hein, je sais pas de qui tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois qui c'est. Mais ce prof-là, en tout cas, voilà. Et alors, il dépose un flyer, ce qui manuscrit. Bonjour, monsieur Jadoul. J'en appelle à votre vote pour mon programme, cette liste, machin et tout. Et il met ça dans la boîte aux lettres. Et j'ai reconnu son écriture vu que c'était mon prof. Et du coup, voilà, je trouve ça un peu space. Bref, c'est les élections, c'est l'anarchie. Moi, tout ce que je fais de mes journées, c'est me balader avec un indélébile et je griffonne sur les affiches. Ça ne m'étonne pas. Je rigole, ne faites pas ça. Eh, mais vous savez ce qui serait cool, c'est qu'on vote dans combien de temps là? Bah demain. Ah demain? C'est demain, ouais. Oh merde. Ah oh, je suis dégoûté. Pourquoi? Je pensais que c'était la semaine prochaine. Non, c'est demain. Ce que j'aurais aimé faire, c'est coller sur les là où il reste de la place sur les panneaux des élections, des affiches de tu sais moi en mode élection et on me rajoute sur Photoshop tu sais un bandeau là ouais. Belgique avec voter Jadoul, voter l'humour. Ce serait sympa. Avec ouais. Pour voter, ilarfm.com. Ce serait ouais. marrant. Ouais. Ça aurait été un délire sympa. Oh, dommage, on aurait dû s'y prendre plus tôt. L'année prochaine, peut-être. Qui dans 4 ans. Ouais, c'est dans 4 ans. Dans 4 ans. Enfin, voilà. On vous souhaite. Bah, n'oubliez pas d'aller voter, c'est important. C'est surtout obligatoire. Ouais, donc, éviter une amende en Belgique. Pour ah, tous ceux qui. Vraiment, ah oui, c'est ah, ouais, ouais, vraiment. Hein. Bah, à mon avis, ils ne la mettront pas avec tous les gens qui vont voter, enfin, qui seront obligés d'aller voter et qui ne voteront pas. Mon avis, s'ils doivent s'amuser à mettre des amendes à tout le monde. Alors j'avoue que j'ai pas tout compris de ta phrase. Bah, non, mais... mais c'est pas grave, tu sais, on peut faire sans cette phrase dans l'émission. Non mais vas-y, est-ce que tu sais nous résumer en 10 secondes ce que tu viens de nous dire? Oui, et ben je disais que si avec tous les gens qui ne, n'iront pas voter, ils vont pas faire des amendes à tout le monde. En moins de 10 secondes, bravo. Mais en tout cas, non, ils vont mettre une amende à ceux qui n'ont pas voté. En tout cas, ça, c'est sûr. Bon, on va se faire un bon vieux Offenbach à l'ancienne, comme j'aime. Ça, j'adore. Un Offenbach, ça nous met toujours en forme. Là, nous sommes en direct. C'est l'autoroute. On va voir dans quelques instants les news de la semaine, le jeu des 5 mots. On aura de quoi se marrer. Bienvenue à vous. Vous êtes chez Jadoul, Alissa, Emilia, tout le monde est là pour passer une ouais. belle soirée. A ouais. tout de suite. Bienvenue à vous, j'espère que ça se passe bien de votre côté. En tout cas, voilà, nous sommes très en forme, on est avec l'équipe. Et alors surtout, on va se faire toutes les séquences que vous attendez tous d'ici quelques instants. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes ici, dans l'émission, c'est Jadoul. L'équipe va bien, vous êtes en forme ? Ouais, ouais. Allez, on va continuer nos séquences dans quelques instants. Jeu des 5 mots, les news de la semaine, le grand jeu d'Halloween et la cassette de Jadoul pour vous faire gagner plein de cadeaux. Vous êtes les privilégiés dans l'émission, bienvenue ! Jadoul. Et la soirée n'est pas finie, on a encore beaucoup de choses à voir ensemble, notamment la chanson d'Alissa Noël, le Cranberries, zombie dans quelques instants. Est-ce que ça va être un fiasco ou une réussite? Une réussite. Lancez les paris sur les SMS, sur les réseaux sociaux, le hashtag Jadoul est là pour vous. Le jeu des 5 mots, tiens, si on se le faisait tout de suite, ça vous dit? Oui. Ah ouais. Alors c'est parti, jingle, je te laisse lancer le jingle, Emilien, tu peux aller le chercher de très loin ouais, si tu veux. Ouais, j'y vais, attends, dans l'armoire. Allez, vas-y. Attends, je le cherche. Est-ce que tu l'as? Parce que... attends, il est entre... Ah, c'est bon. Tiens, je te le donne. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. Allez, on va commencer par se faire Alissa. Par se faire Alissa. Soyons gentils, s'il vous plaît. On va commencer par Alissa. Et avec qui veux-tu jouer? Avec Jadoul. D'accord. Allez, c'est parti. Tu joues avec moi. On part pour 30 secondes. Je compte sur toi. Hein, j'ai envie de gagner. Oui. Est-ce que c'est facile comme la fois passée? Oui. Je sens que ça va être... par quoi est-ce qu'on passe pour rentrer dans une maison? Une porte? Non. Non, ça va être une caméra, un micro et voilà. Non, je rigole. Allez, c'est parti, on lance le chrono. On écoute quoi? La radio? Non. Jadoul? Non. La musique? Oui. Si je te dis les deux tours jumelles. Wall Street? Non, les deux tours jumelles. Une date? En septembre? Oui. Une chanteuse qui a des grosses fesses et qui est réputée pour ça? Aya Nakamura? Non. Nabila? Non. Alissa Noël? Non. Nabila? Nicki Minaj? Oui. Ah. Un truc, qu'est-ce que tu utilises là maintenant à l'instant? Un ordinateur. Oui, et qu'est-ce que j'ai sur mes doigts? Ah, fini. De la saleté. Non, du vernis. Oh, du vernis. C'est vrai. Je suis grillé. Plus, tu t'es trompé, c'était Nicki Minaj, non? Il a oui. dit Kim Kardashian. Hein? Non, j'ai dit Nicki Minaj. Ouh. Problème d'audition? C'est pas grave. J'allais dire Emilien. Pour vous dire. Emilien, est-ce que t'as tes 5 mots, toi? Ouais. Non, alors, t'en as deux. Il en a que deux. Mais si tu veux, je te laisse les trouver. De quoi? Alors, je suis en train de réfléchir à ce que je veux. J'ai l'impression qu'on est dans deux studios séparés. Non, attends. Et on n'arrive pas à communiquer ensemble. C'est dingue ce qui se passe. Le jeu des 5 mots d'Alissa et moi, je pense qu'il était un petit peu facile. Hein. Bah, t'as pas réussi à trouver au moins de 30 secondes. Hein. Ah, oui, c'est vrai. Bon, alors, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se réécouter la cassette de Jadoul du jour. Jouez avec nous pour deviner de quoi il s'agit. C'est parti. C'est qui a arrêté la cachette? Bah, on ne sait pas, et c'est à vous de trouver le titre qu'on vous a passé à l'instant, un petit peu déformé. C'est années 80, je vous préviens. Et la musique était dans un film de Coluche. Voilà, petit indice en plus. Bon, tu as tes 5 mots ? Ouais. Allez, top, c'est parti. Tu joues avec qui ? Bah, Alissa alors. D'accord, c'est parti. On fait quoi le 31 octobre ? Halloween. Il suce notre sang pendant la nuit. Vampire. Ouais. C'est un mort-vivant. Un mort-vivant, ça peut être un quoi ? Un zombie. Ouais. C'est un long nez. Pinocchio. Non. Avec une verrue au bout du nez. Une sorcière. Ouais. Il vient nous assassiner pendant notre sommeil. Il rentre dans nos rêves pour nous tuer. Un fantôme ? Non. C'est un film. Mais je sais pas. Tu l'as pas ? Il a des grandes griffes. Oui. Il vient dans nos rêves. Dit. Tricheuse. Regardez les réponses. Alors ça, je dis, c'est pas validé. Ça, c'est hors jeu. Écoute. Alors que moi, je t'ai aidé pour les mots. Et moi, j'ai juste regardé un seul mot, sinon le reste, j'avais tout trouvé. Non, on ne regarde pas sur les fiches de son camarade. Oui, mais j'ai tout trouvé, sinon. Je m'en fous. Alerte tricherie. Est-ce que tu as honte ? Non. Tu devrais. Tu devrais. Clac. Bon, allez, c'est pas grave, écoutez. Les jeux des 5 mots sont pas tous bons non plus, hein. Il faut pas croire. On peut en faire des qui sont moins bons. Et bref, ça fait le charme de cette émission. Mais j'adore cette émission, à l'air de rien. Bienvenue sur Rire FM. Je vous cale des bons titres d'ici quelques instants. On va vraiment se marrer avec notre séquence maintenant. La question de la semaine, si ça vous tente. Et surtout si je peux avoir le jingle. Bah, je l'ai, c'est magnifique, bravo, c'est la technologie tout ça. Ah, c'est magique. La question de la semaine. Bonne ou mauvaise idée, en Belgique, une toute nouvelle initiative fait parler. De quoi s'agit-il ? Attention, je vous le dis, je pense que ça va faire réagir. On distribue quoi à des gens qui n'urinent pas dans la rue ? Des pissoirs ? Non. Donc, c'est-à-dire qu'en urinant dans les toilettes publiques, hein, on fait notre devoir de citoyen, au lieu d'uriner contre un mur, qui est punissable de 60€ d'amende. Donc. On reçoit quelque chose. On reçoit quelque chose, donc, d'équivalent à 60€ pour ne pas avoir uriné dans la rue. Donc, c'est-à-dire la moitié des gens. Hein. Donc, tout le monde va recevoir un truc ? Oui, bah, enfin, dans la région où ils font ça. Du Viagra. Mais pourquoi ? Bah, je sais du pas. Du Viagra, tu sais ce que c'est ? Bah ouais. C'est pour faire. Mais oui, on a compris, Alissa, c'est bon, on a compris. Mais pourquoi ? Bah, du Viagra. Ça m'est venu en tête. Oula, d'accord, ok, d'accord. Bah, c'est pas grave. Bah, alors, c'est parce qu'il est 21h, hein, je comprends. Non, ils donnent quelque chose, ils offrent quelque chose à des gens qui n'urinent pas dans la rue. Je vais vous le dire parce que vous n'allez pas trouver. Ils offrent l'équivalent de 60€ de frites. Donc, c'est-à-dire 20 cornets de frites. Par personne ? Par personne qui n'urine pas dans la rue. Ah, je veux. C'est quelle région ? Et donc, c'est-à-dire que dans la ville de Gand, ils ont décidé d'avoir recours à une méthode originale pour récompenser les étudiants propres qui n'urinent pas dans la rue. Des frites, donc résumé par le slogan. Qui fait du néerlandais ici ? Pas moi. Je comprends vite fait. Ah non, t'as étudié le néerlandais toi ? Bah, je suis à ma première année de cours, quoi, donc j'arrive. Ah, d'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux nous lire là ce qui est dans les guillemets, dans le micro de préférence ? C'est des grands moments. Attention. C'est donc c'est dehors. On ne suit pas. Dehors, là, hein. c'est dans la ville quoi. Enfin, l'île en entier. L'île en entier. Le titre. Mais en fait, flamand. Décomposé, j'y arrive, mais ensemble, j'y arrive pas. Mais tu sais pas lire la phrase. Non. Ah non. Non, je sais. Quand on urine. Oui, mais en néerlandais. Un buiten, witsplacen, vingt. Je sais pas comment on dit. Pack freight. Merci, voilà, c'est ce que je voulais moi. Ah, okay, parce que j'arrivais pas à le prononcer. Et donc ça signifie littéralement bien uriner égale 20 cornets de frites. L'opération a débuté ce mercredi dans la ville flamande et la campagne fait référence à les nouvelles mesures en vigueur. Et des personnes ont été surprises de pouvoir recevoir des frites. Et je pense que jusqu'au 15 novembre, il y aura beaucoup de monde qui va se rendre à Gand. Rien que pour des frites, ça va coûter cher. Hein. Pas parce que la Belgique est le pays des frites qu'il faut forcément distribuer à tout le monde. Et donc voilà, il y a aussi les compliments de la meilleure dame pipi de Gand. C'est assez espèce là-bas au niveau des toilettes. Qu'est-ce que tu fais avec ta langue, Alissa ? J'essaie de toucher le bout de mon nez. D'accord. En fait, t'es vraiment, t'as rien à faire ici. Elle est au bout de sa vie. D'accord. Bah, très bien. Merci, Alissa. Donc, allez, on fait vite le sondage pour ou contre cette initiative. C'est la question de la semaine. Non, le pire, c'est que moi, je suis capable de faire ça. Ouais, c'est donc, trop bon, les frites, c'est la vie. Donc, il y a deux minutes, on disait, c'est la journée nationale du hamburger. Et toi, c'est trop gras. Ah, c'est gras. Oh, c'est pas, oh, mais bon. Là, c'est pas pareil, c'est des frites. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Elle est en train de faire sa bitch, là. Attention. Ah, ouais. Oh, j'adore. Y'a pas moyen. J'adoule. On va en faire un avec Alissa, tu sais. Y'a pas moyen, Alissa. Ouais, mais on n'a pas la grosse voix qui dit Alissa. Ouais, bon, on va déranger le monsieur à New York pour lui dire, écoute vieux, tu peux pas nous faire Alissa. Ouais. Non, mais pour ceux qui ont écouté le teaser du début de la saison, là, le monsieur disait Jadoula au lieu de dire Jadoul. Donc, on va peut-être pas déjà commencer à lui apprendre à dire Alissa parce qu'il va nous dire des trucs complètement abominables. Donc, ça prendrait beaucoup de temps à le former. Allez, on va se faire une news de la semaine avant de partir en musique, si tu le veux bien, Alicia. Assilmien. Mélange des deux prénoms. Ouais. Emilia, tu veux bien? Ouais, ouais. Tu as une news bien. Pour nous? J'en ai une. Ah, bah c'est magnifique. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, oui, c'est les news de la semaine. On t'écoute. Bon, je me recule pour pas qu'Alissa triche. André, je vais dire, essayer de dire son prénom sans l'écorcher. André Zveltro. Velcro. Ouais, une psychologue ukrainienne utilise une méthode un peu particulière pour aider ses patients à la sortie de la dépression. Qu'est-ce que c'est? J'ai rien écouté. Quoi? J'ai rien écouté. Okay. En fait, j'étais tellement préoccupé par le nom. J'étais là sur Velcro. En fait, c'est le scratch, tu vois, c'est la bande Velcro. Ah, ok, bah c'est pas. J'ai fait la vanne, elle est passée crème, y'a personne qui a remarqué. Ah non, t'as entendu? Non. Ah, moi non plus. Ah, parce que tu savais pas prononcer le nom, j'ai dit Velcro et t'as fait voilà. Et. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Oh, c'est pas grave. Bon, allez, qu'est-ce qu'a fait monsieur Velcro? C'est un psychologue ukrainien qui utilise une méthode particulière pour faire sortir ses patients de la dépression. Qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas. Alissa? Je sais pas. La nourriture? Non. Elle a le sourire de. J'ai regardé, mais je vais pas dire c'est quoi. T'as regardé? Elle ne dit rien alors. Non, j'ai pas regardé parce que j'ai pas réussi à lire. Oui, elle a sa première année de lecture. Peut-être que dans quelques temps, elle pourra lire ce qu'il y a sur mon sweatshirt. D'ailleurs, Jadoul, on n'en a pas parlé. Ah, j'avoue. On a reçu les nouveaux sweatshirts Jadoul. Ils sont trop beaux. Alors, ouais, pour ceux qui en veulent, allez-y, envoyez-nous un petit message sur les réseaux sociaux. Voilà, ça coûte 30 euros. Voilà, c'est le prix d'un sweatshirt normal, quoi. Et voilà, il existe en plusieurs coloris. Le gris très foncé, le bordeaux et le rouge pétant. Et quelle taille? Toutes les tailles? Toutes les tailles. Oh, bah, je t'en prendrai. Et toutes les tailles. XS. Il n'y a pas, il n'y a que S. Ça commence à S et ça va jusqu'à XXL. Tu mets du XS? Moi ça c'est du S. Hein. Bah ça, moi je m'habille au rayon enfant quoi. Ah oui, d'accord. Ils font les Levi's en rayon enfant. Moi c'est le t-shirt de mon copain. Oh, c'est trop mignon. Trop choupinou. Oh, est-ce qu'il s'endort dans tes bras, ton copain? Non, c'est moi qui m'endors dans ses bras. Oh, c'est trop mignon. Je me rappelle que je suis célibataire. J'en ai besoin. Bon, voilà, c'est un Jadoul en manque d'amour que vous avez devant vous ce soir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, pour sortir les gens de la dépression? En gros, il les enterrait vivants pendant plusieurs heures en Ukraine. Mais c'est horrible! Ouais. Mais c'est horrible ce que tu nous dis! Ouais! Tu t'attendais à un truc tout mignon? Bah oui! Ah, je suis désolé. On était là en train de dire des trucs mignons et on se ramassait en pleine. Il les enterre, quoi! Ouais. Mais ils sont pour vivre! Ben, je sais pas, les gens en plus, il a déjà fait ça à 12 personnes d'affilée et c'est une passante qui est donc qui allait se promener, qui allait, ouais, et qui entend que ça tape. Et en gros, bah, ils étaient enterrés là depuis plusieurs heures. Là, cette news, je me la suis prise en mode coup de pelle. Je l'ai prise. Mais il meurt, c'est obligé, il meurt. Bah oui, mais là, ils se sont fait sortir par la police et tout. Tu m'étonnes qu'il sort de dépression. Bah oui. Ah oui, c'était pas une vraie thérapie. Bah, je pense que c'était un psychopathe et que genre. Ouais, mais les gens étaient quand même d'accord pour aller se faire enterrer vivant. Ouais, les gens, ils sont complètement. Ouais, ils sont après, vraiment frappés de la tête, c'est pas possible. Non, il y a des gens qui peuvent se faire endoctriner ou influencer. T'sais. Par exemple, rien que les personnes âgées qui ont confiance en un médecin. Oui, mais là, c'est normal qu'ils vont sortir de la dépression, il va les tuer. Forcément, il sera plus en dépression, ils seront morts. Mais arrêtez de rire, c'est pas drôle. Mais vous vous rendez compte? Oui, bah oui, on se rend compte. Hein. Ouais. Alors là. Moi, je suis choquée, hein. Il enterre des gens vivants. Je viens de te choquer là. Bah tu me choques, oui. Je suis désolé. Ça doit être horrible la sensation. Tu veux sortir de quelque part, mais t'es enterré sous la terre. Bah oui. C'est horrible. Voilà, on s'est prise là comme ça en mode de coup de paix. Je viens de défoncer le délire là. Ah ouais, ouais. Vous étiez tous en mode tout mignon ouais, et puis tu viens balance. De tout casser, là. Il n'y a plus d'ambiance. Non, il n'y a plus rien là. Allez, sors Emilien. Ciao. Merci Emilien. Écoute, j'en connais un autre de psychopathe. Enfin, plutôt une autre. Je ne sais pas si vous la connaissez. Est-ce que je vous explique ce qu'elle fait? Ça peut vous choquer. Hein, ça peut vous choquer. En fait, c'est une dingue. Elle arrache les gens, les yeux des gens. Et alors, elle est dingue. Elle les regarde. Elle fait « Je veux tes yeux. » « Je veux tes yeux. » On s'écoute Angèle, il a RFM. Bienvenue à vous. Que t'es... Ah là là, c'est dingue. C'est Angèle qu'on vient de s'écouter tout de suite. Nous sommes à l'antenne, Emilien. C'est pas grave. Fais comme chez toi. Oui, à un moment les musiques se finissent. Hein. Je veux dire, voilà, en fait, ouais, on va terminer l'émission un peu plus tard. Alors du coup, on est en train de s'organiser techniquement pour que ce soit possible. Donc il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de préparation à faire. Mais voilà, tout se passe bien. Alissa, tout va bien? Oui. Alors juste après, tu vas nous chanter ta chanson. Ouais. Hein, tu vas préparer ça d'ici quelques instants. Nous, on va se faire une petite actu. Je vais vous la faire deviner. Alors, ça se passe à Toulouse. Et je vais la garder pour après celle-là parce qu'elle est quand même assez folle. Alors du coup, je vais vous faire un truc qui m'a fait marrer. On va le faire rapidement. Ça se passe à où ça? Ça se passe en Italie. Qu'est-ce qu'il s'est passé en Italie? La police de l'aéroport de Rome a fait exploser une valise suspecte. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé dans la valise? Ok. Donc c'était métallique. Non, mais non. Non, pas de la drogue. Sinon, ce serait pas insolite. Mais c'est insolite. Un corps humain. Non. Il n'y a pas que des trucs glauques hein, ce soir. Insolite. Un truc auquel on pouvait pas s'y attendre. C'est mignon. C'est surtout con d'avoir fait exploser la valise pour ça. Un god. Il y a des enfants qui nous écoutent. Tu m'as dit insolite. Mais elle parlait. Oui, le dieu, évidemment. Oui, le dieu, bien sûr. Oh my god, bien sûr. Quand tu mettrais un dieu dans une valise. Voilà. Quoi? Non, rien, c'est rien. Pas grave. Elle serait quelque chose de. Mais non, oui, on sait que tu parlais pas de ça. Mais nous, on essaye de changer de sujet. Parce qu'imagine les gens qui nous écoutent en famille dans la voiture. Eh ben, ça met de la bonne humeur et les parents devront expliquer ce que c'est un god à leur enfant. Mais c'est ça qu'il faut pas. Papa, qu'est-ce que c'est? C'est non. Dieu. On va y voir, c'est Dieu. En anglais. Alors, en fait, la police de Rome, de l'aéroport de Rome. C'est un petit peu la risée du moment parce que ils ont fait exploser une valise où ils ont retrouvé un total de 10 noix de coco dedans. Et ils ont fait sauter la valise parce qu'il y avait des noix de coco suspectes dedans. Ils pensaient qu'ils avaient mis une bombe dans la noix de coco. Tout à fait, c'est ça. Ah. En même temps, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est logique. Hein. Ah oui, là, ils ont fait un bon jus de coco. Je pose juste une question. Pourquoi il y a un mec qui vient avec 10 noix de coco dans sa valise? Bah, peut-être parce qu'il aime bien les noix de coco. Ouais, mais il y a des priorités, non? Ou parce qu'il voulait faire du gel douche pour Alissa. J'ai pas besoin de gel douche. Qu'est-ce qui se passe? Mais calme-toi, ne me frappe pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Alissa? Elle a une pulsion. Non, j'avais un truc sur le doigt, je pensais que c'était une araignée. Ah, tu nous as tous fait peur. Elle a commencé moi aussi à me taper. J'ai eu peur. Mais t'es pas bien. Mais t'es mais pas bien. C'était ça. C'était quoi? C'est pas une. Ah, c'est tombé de ton casque. C'est du tissu. C'est un morceau de ton casque. Je savais pas. Son casque qui tombe en morceaux. Ok, bah voilà, c'était la petite news insolite du moment. Sinon, suivante actu, tiens, on va s'en faire deux comme ça, hop, c'est le 2 à la suite. Ça va parler à Alissa. Alors, deux oiseaux. Sème la panique dans la ville, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces oiseaux? Ils ont un. Non. Inspirez-vous d'Alissa. Qu'est-ce qu'ils ont d'Alissa? Un grain de beauté? Non, ils ont. Ils ont. En fait, ils sont complètement ivres. Sérieux? Les oiseaux étaient ivres et ils sèment la panique dans la ville de Gilbert aux États-Unis face à de nombreux incidents. Les oiseaux migrateurs étaient ivres suite à la fermentation prématurée des baies et donc du coup ce qu'ils ont mangé ça les a rendus un petit peu ivres et du coup ils volaient un peu n'importe comment près des voitures et il y en a même qui ont été retrouvés morts et ça a fait peur aux automobilistes et ils devaient dégriser pour essayer de continuer à voler. Donc ouais, les oiseaux aussi peuvent être pompettes. C'est juste dingue ça, c'est actu. J'imagine bien les oiseaux en train de voler en mode là, avec un petit ricard. Je peux pas voler, je suis trop pompette. Et je reprends la route demain. Non mais imaginez les oiseaux, c'est dingue. Ça va être énorme. Ah, c'est juste dingue. Bah voilà, c'était la petite news de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Oui. On en aura encore quelques-unes avec notamment la Norvège. Là, il s'est passé un truc de dingue. Vraiment, mais de dingue. Et ah bah tiens, juste une, vite fait. Ça parle de Emilien. Aux États-Unis, une personne a développé un trouble ophtalmologique complètement dingue. Ophtalmologique qui signifie évidemment... Les yeux. Bravo Alissa, je suis fier de toi. Qui signifie évidemment un trouble, donc un problème oculaire. Tout simplement parce qu'il a pris trop de Viagra. Et comme voilà, ça parlait à Emilien, il voit littéralement rouge. Donc c'est-à-dire qu'il a sa vue qui est devenu rouge. Comment c'est possible? Et alors il voyait tout rouge parce qu'il a pris trop de Viagra. Et donc l'utilisateur du Viagra s'est senti pas trop bien. Et il a donc dépassé la posologie recommandée qui était de 50 grammes. Et l'erreur a provoqué des petits problèmes chez ce trentenaire qui a pris ces pilules-là. Bon, ça arrive, faut faire gaffe. C'est pour ça qu'il faut... faire gaffe, mais c'est surtout il a acheté ce traitement sur internet et sa provenance n'était pas sûre. Donc ouais, alors soit on assume et on va chez sa pharmacienne, excusez-moi madame, vous auriez des petites pilules bleues, ou soit on commande sur internet, quitte à tomber sur de la merde, mais bon, ça c'est comme partout, hein. On peut pas prévoir. Ça vous a plu internet. Ouais, c'était le mec voit quand même rouge à cause de Viagra, quoi. Quelqu'un peut réveiller Alissa? Elle dort. Ah ok, bah vous êtes dans Jadoul. Jadoul, 20h-22h sur Rire FM. J'espère que vous allez bien. Alors, Alissa, juste, tu es prête pour chanter ta d'accord? Oui. Je suis en mode crypté. Bon, on va faire ça juste après la musique, ça te va? Oui. Allez, c'est pas grave, on va écouter Alissa. Juste après la musique, elle va reprendre l'antenne avec sa chanson. Ça te dit? Ça me dit. Samedi, bah oui, samedi 20h-22h, bah oui. Attends, on a tout ici dans cette émission. On a de la logique, on a des chroniqueurs, ils sont beaux. Ils sont bien habillés, ils sont tous frais, ce qui change par rapport à d'habitude. Non, je vous le dis, on est entouré par une bonne équipe. Non, et je disais pas ça pour toi, hein, je disais ça pour les autres. Ah, oh, je t'aime fort. Ah la vache, j'imagine bien Emilia en train de dire je vous emmerde et toute son équipe. C'est tellement gentil Emilia. Non, ok, bah très bien, je vais pas dire plus que ça vu que visiblement je vais me faire encore démonter. Hein, merci beaucoup Emilia. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci beaucoup. Très gentil. Alors voici déjà un petit extrait de la chanson d'Alissa. Elle va nous chanter ça dans quelques instants. On a enregistré ça avec elle juste avant le début de l'émission. Jésus, Jésus, bien sûr. Merde. Bon, c'est les répétitions, elle était pas prête. Il a fallu qu'on répète un peu. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a testé. On sait pas ce que ça va donner. On reçoit déjà quelques SMS. Alissa, tu vas tout déchirer. Bon. Ouais. C'est un encouragement. Merci. Je les aime trop. Il y en a un autre. Alissa, bien chanté, même pas en rêve. C'est une blague. Ah, là, elle a eu un choc émotionnel. C'est qui a dit ça? Mais il n'a pas signé son message. Ça a même pas le courage de signer. Mais je pense que quand il va écouter, il va dire: tiens, j'ai une banane dans l'oreille. Parce qu'il va remarquer le talent d'Alissa. Car figurez-vous, Alissa a fait The Voice chez elle. Mais elle l'a fait. Allez, bon bah. Jadoul. Il est parti tout seul, je l'ai pas vu arriver, je l'ai pas contrôlé, je suis désolé. Bon, Alissa, je compte vraiment sur toi. Oui. Car là, ce qu'on va faire, c'est l'heure de pointe de l'émission. Ouais. Donc, t'as pas intérêt à te planter, sinon... je ne me planterai jamais. On plante le pic d'audience, y a pas de soucis. On va être mal. Sur toi. I am here. Mais je compte vraiment sur toi. Hein. Mais elle va gérer. Bah yes. On fixe la barre vachement haut là, je trouve Emilien. Oui. On est un petit peu. Bah écoute, première fois que tu chantes. Confiance en moi, s'il te plaît. Mais j'ai confiance en toi, mais parfois on se met dans des terrains un peu boueux, un peu glissants, et j'ai peur. Bah allez, non. Je vous souhaite la bienvenue. 21h30. Je vous souhaite la bienvenue sur Rire FM. Nous sommes en direct. Bienvenue à vous. On vous souhaite une belle soirée. Dans quelques instants, Alissa qui chante. Tout de suite, Peace, A Mushroom Cloud. Je vous souhaite la bienvenue sur Rire FM. Nous sommes en direct avec toute l'équipe qui est là pour vous faire passer une belle soirée. On va avoir tout de suite la chanson en direct de Alissa. J'espère qu'elle va, elle va tout déchirer parce que je sais qu'elle a du potentiel. Alissa, tu te sens comment? J'ai une petite boule au ventre, mais ça va. T'as une petite boule au ventre? Oui. Ah, ben, écoute, tu veux un micro sans fil peut-être? Ouais. Ah, c'est comme tu veux, tiens. Hop, je teste voir si on a un micro sans fil pour toi. Voilà, celui-ci il fonctionne très bien. Tiens, je te passe le micro sans fil. Comme ça, ça fait vraiment en mode chanteuse The Voice. Comme ça, on va pouvoir se faire cette chanson. Alors, je vous le dis, ici dans cette radio, on n'a jamais fait de live musical. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, est-ce qu'on peut tenter le coup maintenant? Parce qu'Emilien fait le prompteur, Alissa fait la chanteuse, moi je fais le meubleur. Donc du coup, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que tu es prête? Oui. C'est Emilien qui va lancer la bande son, je préviens. Ok. Allez, c'est parti. Emilien, tu es prêt? 3, 2, 1. Alissa en live, The Cranberry. Pour ton live. Merci. Et encore la réverb. Oh, je te félicite. Franchement, tu nous as tous bluffés. J'étais sous le choc, j'étais pas prêt. Quand t'as commencé à chanter. Ah bon, on mettra l'extrait hein, sur Facebook pour que tout le monde puisse réécouter ton live. Ben franchement, je suis très content d'avoir accepté cette séquence dans l'émission, car au final, tu nous as tous bluffés. Et ben je pense qu'on peut juste te dire un truc. Bravo. C'est merci et on refera ça une prochaine fois avec une autre chanson, ça te tente? Oui, ah bien ben sûr. Nickel, merci Alissa. Il faut savoir qu'elle était crevée après avoir fait le premier couplet, alors elle m'a fait on peut arrêter. J'en peux plus. Bon, faut arrêter. Je voulais juste savoir si c'était bien. Mais alors du coup moi j'ai compris, on arrête. Ah oui. Fallait pas arrêter. Bah non. Tu veux qu'on continue? Non c'est bon, tant pis. Tant pis. Mais non, si tu regrettes, on peut reprendre là où on en était. C'est vrai? Oui. Alors oui. Oh les boulets ici. C'est la seule émission. On vient de défoncer son truc. On fait l'émission à la bonne franquette, en mode bon bah écoute, on t'en remet encore un peu, c'est le bistrot de Jackie du coin, c'est exceptionnel quand même ce qui se passe dans cette émission. On a qu'ici que ça peut se passer comme ça. Et d'ailleurs bah je pense que t'aimes bien quand même ce qui se passe ici. Bah oui. Hein? Bah oui, t'aimes quand même. On en était. Bah oui, on revient où on en était, c'est mieux. Enfin, si tu sais à peu près où on en est. Bah oui. Ouais, c'est bon, c'est bon. Étant donné que Emilien n'est pas que notre standardiste, c'est également le prompteur de l'émission. Donc bah écoute, on reprend où on en était. C'est parti, je t'en prie, on reprend. 3, c'est parti. 2, 1. Alissa Noël, la suite de Cranberry. Another mother's breaking heart. qu'on a fait là? Qu'est-ce que... C'était fini. C'était fini? Ouais. Oui. Mais genre ça se finit net comme ça. Bah non, c'est le prompteur qui a tout arrêté d'un coup net. Je suis désolé. Mais c'est horrible, on fait jamais ça. Oui, mais je peux pas. Sur internet, je peux que mettre pause. Autant me fait signe. Genre baisse amicalement le son. Lui il m'a fait la la. Oh bah écoutez, c'est pas grave. On aime bien cette émission comme ça. Avec bah oui, j'ai eu peur. T'étais pas prêt, t'as pris le micro d'un coup. Je me suis choqué, ça se passe jamais comme ça. Bon, elle tremble Alissa, mais ça s'est bien passé, ça va. Ouais, c'était vraiment bien. Oh non, c'était vraiment bien. Mal. Oh là, c'est bravo, félicitations hein, pour ce live, hein, j'ai beaucoup aimé. Et tu nous en referas quelques-uns dans la suite de cette émission, dans les prochains jours, oui. Dans les prochaines émissions, si tu es encore dans cette équipe. Bien sûr. Vas-y, dis un truc de bien sur Rire FM. Le mec il fout la pression. Tellement c'est bien le nom. Ah oui, effectivement, merci. Merci, le double d'Alissa avec la voix grave. Est-ce que je peux récupérer mes affaires, mes doses, mes trucs, c'est histoire ça t'appartient. Alors, en attendant, ce qu'on peut vous dire, c'est une petite news de la semaine. Tiens, tant qu'on est là et tant qu'on se remet en place après le live, parce que ça nous a retourné, on n'était pas bien. Jadoul. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Il y a un truc complètement dingue, ça se passe sur Le Bon Coin. Qu'est-ce qu'un restaurateur a trouvé sur Le Bon Coin, je vous jure que c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un vendait sa femme. Non, alors on a retrouvé quelque... Le mec a retrouvé quelque chose qu'il ne désirait pas vendre, mais qui a été mis en vente sur le site. C'est vivant? Non, c'est une activité. Le gérant d'un bar a retrouvé son bar en vente sur Le Bon Coin. Il a découvert par surprise cette petite annonce qui disait « À vendre, fonds de commerce, bar de brasserie, deux salles, une terrasse, cuisine, garage avec appartement T3. Voici l'annonce qui était visible avec photo à la pluie jusqu'à mercredi sur le site du Bon Coin. Et ce bar qui se situe à Rennes serait donc à vendre. Oh, eh ben non, répond le propriétaire qui a découvert cette annonce par surprise sur internet, rapporte Ouest France. Même si son affaire ne tourne pas comme il le souhaite, le gérant ne souhaite pas avoir l'intention de vendre son commerce. Donc ça met la charrue avant les bœufs. Voilà la belle expression que j'ai. Il a été choqué quand il a vu l'annonce. Ah oui, mais interrogé par le quotidien Ouest France, le maire de la commune affirme qu'il apporte son soutien au gérant du café. Et il a dit, je vous jure que c'est vrai, tant que le gérant sera là, le bal de l'étoile Saint-Tré ne fermera pas ses portes. Voilà, ça c'était la petite phrase du maire. Donc bon, s'il a affirmé ça, on peut considérer que son machin va continuer à vivre. Enfin, j'espère en tout cas. On espère pour lui. Ouais, parce que sinon c'est pas bien. Pas bien. Allez, voilà, ça fait déjà 1h18 qu'on est ensemble. Oui. Que le temps passe vite. On ne le voit pas passer. Ça, c'est le maquillage d'Alissa qui fond petit à petit. Non, je rigole. Tu t'es maquillée, on dirait pas. Hein. Non, je me suis pas maquillée. J'ai juste mis un petit peu de mascara. Ben franchement, ça passe. Ça passe. Moi, j'ai arrêté de me maquiller, mais non, je trouve ça propre, honnêtement. Merci. Félicitations, c'est ton copain qui doit être content. Bah, ça fait combien de temps? 2 mois, ton copain? Oui. Ah, mon bébé d'amour. Ah, c'est trop mignon. Oh. Et quand elle rentre voir son copain, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va près lui et elle fait un twerk. Mais Alissa a déjà twerké dans l'émission. Quoi? C'est vrai? Oui, dans notre émission de télé, il y a 2 ans. Ah bah je t'en souviens plus en tout cas. Tu t'en souviens plus? Non. Non, bah t'es venue au centre du plateau, t'as twerké avec Emma Gilson dans l'émission. Tu t'en souviens plus? Oh, c'était marrant pourtant comme moment. Oh, c'était sympa. Oh. Pourquoi? Oh, la honte. Elle se rappelle. Bah non, ne pense pas. Mais j'ai même pas twerké. Bah, ah ok, ouais là c'est peut-être la honte alors du coup. Bah oui. Non mais ce que je dis moi, c'est que vous avez tous besoin un peu d'amour. Tous, traduisez-moi ça en anglais. Tout ce que vous avez besoin, c'est de l'amour. Je te laisse faire Alissa cadeau. Ah non, mais moi je saurais pas dire ça. Je sais juste te dire. Bah tout en anglais. Allez, tout en anglais. All you need is yes. Love. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Alissa. ça. Le mec, il veut la caser partout. Non, mais voilà. Il faut savoir que Alissa, elle est très tranchée dans ses opinions. Hein. Elle m'a raconté. On parlait de sujets perso là en dehors de l'antenne, mais elle, quand on parle de quelque chose, elle balance, elle démonte les gens. Votre vénère. Il faut pas l'énerver. Hein. Ah non. Ah, si on commence à énerver Alissa, je vous le dis. Ah ouais, là, on n'est pas bien. Hein. Il faut faire attention avec elle. Hein. Attention, vraiment. You just wanna sense it. Dans la suite de cette émission, plein de surprises. À tout de suite, ne bougez pas. Hein. Je vous dis, ici, c'est l'émission où tout se passe le samedi soir. On est la première émission du samedi. Et la seule. De la journée. ça marche toujours, cette phrase. J'aime beaucoup. Non, mais il y a moyen de faire des délires, des trucs comme ça, un petit peu. Bon, de toute façon, ne bougez pas. On va finir cette émission sur la RFM avec tout plein de séquences. On va s'amuser. Plus 32 49 9 15 75. Je lis de certains de vos messages dans quelques instants sur l'antenne. Donc, laissez-nous en. Plus 32 49 9 15 75. 75. Et un peu de musique tout de suite, évidemment, pour ponctuer cette émission de nouveautés. On va prendre un des titres qui vient de sortir pour le moment avant de se faire un espèce de mini zap de Jadoul d'ici la fin de l'émission avec une actu qui s'est passée avec un groupe qui vient de Marseille. Ça va être assez sympa. Et surtout le grand jeu d'Halloween qui va arriver. On ne l'oublie pas. On reste motivé pour ça et on va s'écouter la cassette de Jadoul d'ici quelques instants. J'ai réussi à le sortir. Bon, ça vous va ce planning? Oui. Qui est chaud pour le jeu d'Halloween? Pas moi. Oh, moi je suis chaud mais pas chaud. Je suis middle, c'est ça? Tu me fais peur. Moi j'ai déjà peur. Je vous fais peur, bah dites que je suis moche. Quoi, ça vous fait peur ce jeu? Ouais. Bah pourquoi? Parce qu'il y a des doses sur les chroniqueurs. Ouais, ça me plaît pas du tout. Y a pas des doses, disons qu'on va parler de vous. Ouais, mais dans quel sens? Bien ou mal? Bon, je sais pas. Allez, taki taki, DJ Snake, tout de suite, Selena Gomez. Toujours chez Jadoul en direct, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Je suis avec Emilia en studio. Ouais, ça va. Et Alissa, encore dehors, on comprend pas. Toujours, elle a besoin de s'extrader à l'extérieur. Je ne comprends pas cette personne. On va essayer de la joindre là par téléphone, par liaison plutôt, avec un micro sans fil, tout un bazar. J'espère que ça va aller parce que, bon, bah, encore une fois, elle est pas dans le Allô. Studio. Attends, ça va? Ah, ça marche. Oui, ça va et vous? T'es encore à l'extérieur du studio? Oui. En fait, tu veux qu'on t'installe un pupitre, un micro fixe là-bas Ça m'arrangerait. Parce qu'à force, là, je vous le dis, elle est tout en bas d'Hilar FM, à l'extérieur, devant. Et ça va, tranquille? Ouais, ça va, nickel. Hein. Ouais, t'en as encore pour longtemps? Non, pour encore une petite minute. Encore une petite minute? Oui. Oh bah fais comme chez toi, écoute, c'est pas comme si on était en direct, on était écouté, tout ça, bon... Ça va, il y a tout le monde qui m'entend, là. Oui, mais t'es pas à côté de nous, quoi. C'est vrai. Ah, mais je suis quand même près de vous, quand même. On peut pas sentir tes cheveux si t'es pas là. Ouais, j'avoue. Il marque un point. Ils sentent bon en plus, mes cheveux. Et on peut pas admirer ton mascara. Ni ma beauté. Voilà, donc elle est très sûre d'elle. Et c'est bien la première fois que ça m'arrive. Bon, non, c'est bien, un petit peu de confiance en toi. Bon, bah écoute, c'est pas grave, tu restes un petit peu avec nous, mais de loin. Voilà. Alors, loin des yeux, mais près du cœur. Voilà, oh, tout à fait. C'est magnifique. Bien dit, ça, Alissa. Alors, on va maintenant faire une dernière. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois mon copain au loin qui arrive. Ah, elle est devant Hilar FM, d'accord. Ah oui, ton copain vient te rechercher, c'est ça? Oui, mais je pars pas tout de suite. Ouais, pars pas avec le micro en mode bon, bah j'y vais. Ah bah écoute. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Non, alors Emilia va nous faire une dernière news. Non, c'est moi, pardon, excusez-moi, je suis complètement perturbé. À moins que t'en aies encore une, mais. Attends, je vais une qui vaille la peine d'être faite. Ouais, parce que cette semaine, c'était assez calme. C'était assez calme. Une news, ouais. Une news. Non, pas un news, Alissa. Hein. Une news. Ah, d'accord, j'avais pas entendu. Non, bah écoute, t'en as une ou pas? Ouais, c'est bon, j'en ai. Ouais. Une mignonne, on va dire. Une mignonne. Ouais. Oh, bah alors testons la mignonne. C'est pas glauque. C'est pas glauque. Bah, on t'écoute, c'est parti. Donc, c'est quelqu'un qui s'est fait contrôler par la police et essaye de deviner ce que la police a trouvé sur lui. Bah, de la drogue. Non, genre pas trouvé physiquement, mais genre ce qu'ils ont appris sur lui, quoi. Que c'était homosexuel. Que pardon? Que c'était un transsexuel. Non. Non. J'adore parce que c'est la vieille du bistrot qui est en train de réagir du fond de la salle. Ouais, je disais donc. J'adore. Non, c'est pas ça. Donc, dis-nous. Bah, qui roulait sans permis depuis 38 ans. Il roule sans permis depuis 38 ans. 38 ans, ouais. Oh ah ouais. Il a quel âge du coup? Là, il en a 56. 56 ans, ah ouais, ça, quand même. Ça fait 38 ans que tranquille monsieur roulait sans permis. Faut le faire, ça quand même. Bah, ouais. Il est dans la merde, quoi. Ouais. J'adore Ginette là qui réagit. Ouais, bah il est dans la merde. Ah ouais, ah non, c'est vrai que c'est 38 ans sans permis. Ouais, bah là il peut plus conduire. Ils lui ont retiré. Ah oui, bah oui. Bah oui. Je pense que là ils se sont rendu compte qu'il y avait un problème. Ouais. Oui, parce que si. Attends, non, ah bah c'est bien, continuez comme ça. Ne vous faites pas choper, hein, c'est tout ce qu'on 40, vous conseille. Autant continuer. C'est vraiment ça. Non, mais franchement, il fallait oser quand même. Je pense qu'à la fin c'était une habitude. Ouais. Il s'en stressait même plus, quoi. Oh là là, c'est dingue. Moi, franchement, ça m'impressionne. Honnêtement, je suis pas pour. Et du coup, ils lui ont retiré la voiture et tout. Ouais, il peut plus conduire. Ah bah oui, bah voilà. Bah comme ça. Ouais. Bah oui, tu résumes bien. Merde alors. Bon, ok, moi je vous fais ma dernière news de la semaine. Ouais. Alors, son chien a été volé et il réapparaît 7 ans plus tard. 7 ans plus tard, le chien. Ça ressemble au petit chat qui a perdu. C'est ça. Et donc, en fait, le chien qui s'appelait Fly a retrouvé son foyer quelques jours. Sept ans plus tard plutôt. Ouais, quelques jours. Il est revenu dans le jardin et du coup, finalement, la joie du propriétaire en mode oh, bah, c'est génial, j'ai retrouvé mon chien. Genre, il est arrivé en mode salut. Je suis en manque de croquettes ou je sais pas. Je sais pas, ou il s'est trouvé une autre famille, l'autre famille est partie, il est revenu. Je sais pas, je comprends pas ce qui s'est passé. C'est dingue, ça. Mais après bon, il a peut-être trouvé une chienne et il est parti vivre avec. Ils ont fait une petite famille. Ils ont peut-être fait quelque chose, c'est une ça. Une chienne. Bah oui, la femelle du chien. Oui, bah oui, merci. Alissa en duplex de l'extérieur qui nous apporte des questions inutiles. Alors bon, dernière news, un enfant déchire quelque chose à la déchiqueteuse. Et cet enfant a 2 ans, mais il a déchiqueté un truc, mais ses parents sont devenus malades. Qu'est-ce qu'il a déchiré, à ton avis? Un chèque exorbitant. Un billet. Mais alors le prix du billet 500. $1 500. Non, plus. Ah oui, c'est $1. 1000. $1000, il les a déchiquetés. Oh, une horreur. Mais alors bon, il y a peut-être mais une solution. Nous, c'est arrivé avec 70€, ça. Ma petite sœur, quand elle avait genre 2 ans, elle a pris de l'argent dans le... Oh là là. Portefeuille de mon frère, et genre elle a coupé dedans, et puis ma mère est arrivée dans la chambre et elle est en train de couper dans le billet de 50 et le billet de 20. Oh non! Oh là là! Oh là là! Oh la malade! Enfin, je veux dire, ouais, ça arrive, mais je veux dire, oh oui, il faut quand même le faire, ouais. Et la banque n'a pas pu dire, oh oui, écoutez, le billet était déchiré, on va vous le rendre. Si, ils ont remboursé, je pense, la banque. Non, c'est vrai? Ouais, ils ont bien voulu. Ah là là, ils sont bravo la banque, hein. Ah, on est fiers. Bravo la banque, vraiment. Parce que là. Waouh! 70, mais c'est pas un billet de 70, comment est-ce qu'elle a pu? 1,50 et 1,20. Ah oui, ok, d'accord. Oui, Alissa? Et je voulais dire une petite truc. Vous savez qu'il fait noir déjà, il fait soir et il fait trop bon encore. Oui, mais je trouve qu'il y a un truc qui est dingue en ce moment. C'est que le matin, tu te lèves, t'es en doudoune, t'es pas bien parce qu'il fait froid et t'es là en train d'être frigorifié. Et le soir, il fait bon. Tu pourrais limite prendre un verre à l'extérieur. D'ailleurs, tu remontes à un moment, Alissa, ou Ouais, dans 30 secondes. Bah, 30 secondes, tu t'es cru où? On va faire le jeu d'Halloween, là, on t'attend. J'arrive. D'accord, arrive à ton temps. Même le micro, il en a marre, il est en train de se couper. Ouais. Bah voilà, c'était les petites news de la semaine. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a bien fait marrer. Ouais. Plus 32, 49, 9, 15, 75, on lit quelques-unes de vos réactions. La valise de noix de coco. Ah bah oui, ça arrive. Comme quoi, la police peut aussi faire des erreurs. Mais je dois dire, vaut mieux faire des erreurs et plutôt. On est jamais trop sûr, voilà, c'est ça, tout à fait. Mais il faut savoir un truc qui est dingue, c'est qu'il y a un bolide lumineux qui a été aperçu dans le ciel jeudi soir à Toulouse. Et en fait, tout le monde a cru que c'était un ovni, tout simplement parce que ils ont vu une lumière bizarre traverser le ciel. Des scientifiques et tout ça se sont intéressés à ça. Et Ah, elle m'a effrayé. Ah. Et le pire, c'est que je la voyais, elle me faisait chut, chut, chut. Ah. Et oh là là, mais va fermer la porte au moins, Alissa, du studio, parce qu'on n'est pas en mode porte ouverte. Oh, tu m'as effrayé parce que je parlais d'un ovni et tout. Mais t'es malade. Oh là là, elle est pas bien. Oh. Il était pas prêt pour ça. Oui, j'étais pas prêt, moi. Ouais. Et je t'ai pas balancé, hein, t'as vu ça? Ah, allô, Emilien, moi, je pensais que t'étais de mon côté. Je suis désolé. ça va te porter préjudice. Les chroniqueurs sont toujours du bon côté. Ouais, oui, centré d'entre côté. En attendant, vous êtes censé être de mon côté. Hein. Ça va, c'était une petite. Enfin, si vous savez pas me blairer, il y a pas de souci, vous pouvez y aller. Ailleurs, mais vous pouvez y aller. Bon, en tout cas, les news, c'est fait. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est notre séquence Halloween. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Attention, on y va. Jingle, s'il vous plaît, bienvenue. Vous êtes Halloween. Alors, bienvenue dans cette séquence Halloween. Nous sommes avec toute notre équipe. Qu'est-ce qui se passe, Emilien? J'ai remarqué que c'était le rire dans Thriller de Michael Jackson. Tout à fait. Ah, je suis trop fort. Belle référence. Bienvenue dans la première manche de cette séquence Halloween. Tout ce mois d'octobre, nous allons faire un grand jeu pour donner accès à l'antre secrète des cadeaux d'Hilar FM. Mais pour ça, il va falloir atteindre la finale. Et je compte sur vous pour répondre aux questions que l'on va vous poser. Attention, on s'est renseigné sur vous, on s'est renseigné sur vos proches. Oh la vache. C'est une blague. On a des dossiers sur chacun. Je pense que cette séquence va en intéresser plus d'un. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Et ça me plus on va approcher d'Halloween, plus cette séquence va devenir intéressante. Oh non. Je vous propose que l'on explique les règles de cette première manche. Nous allons faire un questionnaire avec un choix multiple. Vous allez devoir répondre un maximum de bonnes réponses. Comment ça va se passer ? À tour de rôle, je vais vous poser des questions. J'espère pouvoir avoir le maximum de bonnes réponses de votre part. Car attention, dans cette séquence, on ne compte pas de points, mais on compte des défaites. Donc plus vous répondez mal, plus ça chauffe pour vous. Et en fonction de vos défaites, vous allez ouvrir plus ou moins grand la porte de l'antre des cadeaux. En clair, plus vous répondez mal, moins il y aura de cadeaux pour les auditeurs. Non, ça se fait pas. Oh non, ils comptent sur nous alors. Les auditeurs comptent sur vous. Bah, comptez pas sur moi parce que c'est déjà mal barré. Mais alors, si ça peut vous rassurer, on a pris un questionnaire pour 7 ans et plus. Donc, donc on va pouvoir peut-être avoir de bonnes réponses dans cette séquence. Attention, on va tout de suite savoir qui commence le jeu. On a un huissier de justice, Maître Enfoiros, qui va pouvoir attester de la légalité de ce jeu. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 5. Emilien, s'il te plaît, un chiffre. 4. 4. Je t'écoute, Alissa. 2. 4 plus 2, ça donne 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est yes. Alissa qui commence. Oh, putain. Yes. Attention, est-ce que tu es prête ? J'ai pas vraiment le choix. Est-ce que tu as des phobies? Non, s'il te plaît, oui. T'as des phobies? Oui. Est-ce que tu aurais peur des clowns? Oh putain, non, y'a pas moyen, toi. Je dis rien, y'a peut-être des clowns dans la séquence. Y'en a peut-être un dans le studio. Attention! Ah oh. Oh. Ça se fait pas. J'ai balancé mon casque. Attention, maintenant qu'on est réveillé, on va passer à la séquence tout de suite. Attention, on commence par Alissa. On fait la première manche. Est-ce que tu es prête? Oui. On lance le jeu tout de suite. Première question. Quel est le prénom du héros de Halloween dans la lanterne citrouille? Jack, Jim, Jules ou Joe? Jack. Tu dis Jack? Oui. Tu valides cette réponse? Je valide. Bonne réponse. Emilien. Ouais. Dans quel pays européen est née la légende d'Halloween? En Angleterre? En Espagne au Portugal, en Autriche ou en Irlande? Irlande. Bonne réponse. Oh. Alissa. Oui. Que va-t-on demander à ses voisins le soir d'Halloween quand on est déguisé? Des bonbons à sort. Des poivrons, des citrons, des bonbons, des cornichons ou un Jadoul? Des bonbons. Bonne réponse. Vous aussi, jouez avec nous chez vous. Quel est le légume, Emilien, qui se transforme en lanterne d'Halloween? A. La citrouille. B. La courgette. C. Le concombre. D. La tomate. La citrouille. Sûr? Bah, ouais. Bonne réponse. Alissa, pour se déguiser en sorcière, est-ce que tu dois changer de ta tenue habituelle? Non, je rigole. Quel est l'accessoire qui n'est pas du tout utile? Un balai, un chaudron, un chapeau ou un accordéon? Un accordéon. Bonne réponse. C'est la fin de la première partie de cette manche. Nous sommes à la moitié. Jusqu'ici, aucune mauvaise réponse. Il faut dire que le niveau du jeu est assez simple. Ouais. Je vous félicite en tout cas. Merci. Les auditeurs, je pense qu'ils sont fiers de vous. Ouais. On a géré. Allez-y, inscrivez-vous pour faire partie du tirage au sort. Plus 32 49 9 15 75. Bonne réponse. Un point de plus. Non, voilà. Donc inscrivez-vous évidemment et vous remportez non seulement un autocollant de l'émission, mais seulement aussi un accès à tout ce qu'il y a dans la caverne. Alors il y a de beaux cadeaux dans la caverne. Hein. Franchement, il y aura. On va vous divulguer petit à petit ce qu'il y a dans la caverne. Ne vous inquiétez pas. Il ne reste plus beaucoup de temps dans cette émission. Nous allons faire la dernière partie de cette première manche. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Attention, on repart pour la deuxième partie du chrono. C'est parti. On en est à qui? Alissa. Alissa. Non, on en est à toi. Ouais. Ah ouais. Dans quel conte il y a une sorcière? Cendrillon, Blanche-Neige, Peau d'âne ou le Chaperon rouge? Blanche-Neige et je valide. Bonne réponse. Septième question. Pour se déguiser en fantôme, quel est l'accessoire qui n'est pas du tout utile? Un drap blanc, un boulet, des lunettes, des chaînes? Des lunettes. Bonne réponse. Emilien, quand on a vraiment très peur, on dit qu'on a la chair de poule, la peau d'ours, le poil de chameau, l'os du squelette. La chair de poule et je valide. Bonne réponse. Dernière question. Alissa, avant-dernière question, pardon. Quand on a eu vraiment très très peur, on dit qu'on a eu une frayeur verte, une trouille rouge, une terreur bleue ou une peur bleue. Une peur bleue et je valide. Bonne réponse. Dernière question pour Emilien. S'il répond juste, ce sera un sans faute et les auditeurs auront 100% d'accès à la caverne au cadeau de Jadoul. Quand on a... c'est la même question, excusez-moi. Quel est le générique très connu d'un film qui commence par une seule lettre qu'on utilise régulièrement dans cette émission qui permet de définir le suspense? A. H. B. X-File. C. Jack l'Éventreur. D. Hilar FM est une sorcière. Le H. Tu dirais H? Ouais. Emilien a-t-il donné une bonne réponse pour terminer en beauté cette première manche? Ou va-t-il déjà réduire l'accès à la caverne au cadeau? Emilien nous a donné une mauvaise réponse. Il réduit donc l'ouverture de la porte des cadeaux. Oups. Emilien, tu pourras peut-être te rattraper sur une autre épreuve la semaine prochaine Mais en tout cas, on perd déjà un petit peu des cadeaux. Alors après, on peut perdre des petits cadeaux, genre l'album de Lara Fabian. Mais ça peut s'accumuler et devenir des grosses pertes. Donc là, c'est petit. Là, c'est petit. Ok. Donc ça va. Mais à ne pas reproduire. Plus jamais. Bien. Bah bravo pour cette première manche de Halloween. Je vous félicite, en tout cas. C'était presque un sans faute. Et franchement, je vous applaudis. Félicitations. C'était la première séquence Halloween chez Jadoul. On remet ça la semaine prochaine, ça vous tente? Sans oui. faute. Nickel. Le cri, c'était pas obligé à la fin. Ouais, mais ça met un peu d'ambiance, ce cri. Ça met bien le contexte du glauque, du on n'est pas bien. Elle a la chair de poule, elle est pas bien. Ah non, je vais pas. Oh, je t'ai jamais vu comme ça, c'est impressionnant. Ah c'est ouais, impressionnant, je vraiment. Je déteste. Ah, j'aime pas. Mais en tout cas, rassure-toi, ça va être comme ça jusqu'à Halloween. Ouais. Et sur le site internet ilarfm.com, vous avez la radio digitale Ilar Halloween, où vous pouvez écouter toutes les meilleures musiques de Halloween, avec les meilleurs génériques, les meilleures musiques d'Halloween, quoi. Comme les musiques de Noël, mais en version Halloween, quoi. Voilà, comme ça, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Bon, j'espère que chez vous, vous avez joué. Je pense que le standard, en tout cas, a bien bouillonné au niveau des propositions. Donc je vous félicite en tout cas d'avoir joué avec nous. Et qu'est-ce qu'on devait réécouter là maintenant? La cassette de Jadoul, c'est ça? Ouais. Ah, je vous remercie, merci exact. De suivre. C'est gentil, vous avez déjà la réponse vous? Non, moi pas je n'ai pas trouvé. Allez, c'est la dernière fois qu'on passe la cassette de Jadoul quand même ce soir. Donc je vous conseille d'être attentif, hein, honnêtement. Car il y a des cadeaux assez sympas à gagner. Et puis de toute façon, plus 32, 49, 9, 15, 75 c'est que bénéf. Enfin, je pense. Non? Si, c'est que du bénéfice, bien sûr. Tout à fait. Allez, c'est parti, la cassette de Jadoul, maintenant, tout de suite. Mais je n'ai pas le jingle, je comprends pas. Il a perdu. Ouais, il a disparu. T'es sous la table, attends. Attends, je l'ai, voilà. Il était sous la table, effectivement. Merci, Emilien, pour m'avoir rappelé où il était. Sors de là. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. Attention, on la réécoute. Je te laisse la rembobiner, Emilien. Ouais. Top. On sait pas la java, le tcha-tcha connaît pas. Quand on fait le mambo, on s'en mêle les nougats. Oh là là, mais quel suspense. Personne ne l'a, c'est affreux. Non. C'est qui a arrêté la cassette? C'est moi, et c'est la dernière fois qu'on l'a joué. Et donc réponse à 22h, tirage au sort dans les messages. Plus 32, 49, 95, 75, participez avec nous. C'est une musique des années 80. Alors, dernière séquence de cette émission, c'est le mini zap de Jadoul, on se le fait tout de suite. Et comme ça, c'est la dernière ligne droite de l'émission. Et on est dans les clous, on est dans les temps. Comme ça c'est bon. Et là j'ai un regard froid de Emilien en mode on les tente, t'es sûr? En tout cas Aïssa, je tenais à te féliciter pour ta prestation ce soir. Eh, merci. Ouais, c'était très très beau. C'était très bien, une belle surprise. Merci. Bravo, félicitations à toi. C'est parti, le zap de Jadoul. C'est le zap de Jadoul. On va parler de quelque chose de dingue que j'ai vu se produire sur les réseaux sociaux. C'était hier, j'étais tranquille chez moi j'ai vu des tweets passer sur internet. J'ai été choqué. Alors il faut savoir qu'à l'Olympia, il y avait un groupe de musique qui se produisait. Je sais pas si vous connaissez iPhone. Un concert, personne ne connaît ici? Non, pas du tout. Vous avez envie d'écouter ouais. ce que ça donne? Pourquoi pas. Bah on a un petit extrait ici, vous allez tous reconnaître je pense. Enfin du moins j'espère. Voici ce que ça donne iPhone. Bon, tout le monde connaît, ça a été la musique de quelques pubs et tout ça. Emilien, tu connais? Ouais, c'est la musique me dit quelque chose. Ok, t'as l'air un peu perdu, mais c'est pas grave. Moi? Ouais. Et donc ce petit groupe français qui monte, a très vite redescendu hier soir. Car entre une chanteuse qui s'effondre. Entre une chanteuse qui s'effondre sur scène et le playback, la colère des spectateurs était présente. Certains ont quitté la scène. Je vous propose d'écouter, je vais vous décrire un petit peu ce qui se passe car c'est très visuel. Mais on a quand même le son car c'est un petit peu choquant quand même ce qui se passe sur la scène de l'Olympia. Ceci a été filmé par un des spectateurs. chanteuse à ce moment-là titube sur la scène. Et là, elle s'effondre sur scène. Et on entend des gens qui huent qui dans siffle, le public, ouais. Qui sifflent. Qui sifflent. Et en fait, la chanteuse était en train d'avoir la tête qui tourne. Elle titubait sur la scène. Et à un moment, elle veut se rattraper au micro pour chanter. Et ça fait bam, et elle s'effondre. Et en s'effondrant, les musiciens continuent à jouer. Je pense qu'on l'entend. Écoutez. C'est impressionnant, non? Ouais, j'avoue. Moi, je veux dire, les gens qui étaient à l'Olympia étaient en train de dire passablement ivre. La jeune femme s'est effondrée en plein milieu du morceau après seulement 30 minutes de concert. Plusieurs vidéos sur Twitter montrent l'incident, suivi de huées par une partie du public mécontent. La chanteuse est ensuite remontée sur scène pour tenter de terminer le concert tant bien que mal. The show must go on, mais parfois, voilà. Et c'est dommage parce que c'est un petit groupe marseillais qui commence un petit peu à décoller. Et là, mauvaise pub, mauvais coup pour eux. C'est pas de sa faute, la pauvre. Elle a la tête qui tourne, elle est pas bien. Moi, je pense que les gens, ils se rendent pas compte du courage déjà qu'il faut pour monter sur scène devant un grand public. En plus, à l'Olympia, quoi. Je veux dire, c'est pas une petite salle. Et moi, je lui dis bravo pour le courage qu'elle a eu de remonter sur scène pour attraper le coup, hein, vraiment. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est parti, on va lancer le tirage au sort dans les bonnes réponses pour la cassette de Jadoul. C'est parti. Ça tourne. Il y a-t-il des bonnes réponses dans le standard? Aucune bonne réponse. All tight when you tilt. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la réponse. C'était Richard Gottener avec le Sampin. Pas du non, tout. Je connais pas. Ah, pas du tout. Oh, on a réussi à vous coller. C'est la première fois qu'on y arrive. Ouais. On est tellement contents. Ben, on se l'écoutera à la fin de l'émission d'ici quelques secondes. Merci beaucoup, Alissa, pour tout ce que tu as fait dans cette émission, pour le jeu des 5 mots qui était très facile et tout ça. Ah, zut, on n'a même pas appelé les gens pour leur souhaiter une bonne fête. Ben, c'est pas grave. On embrasse tous les gens qui s'appellent. Comment déjà, Emilien? Il s'appelle Géraud. Ah bah, tous les Géraud, on vous souhaite une bonne fête. Gros bisous. Et à tous les théophiles, c'est ça? Gros, gros bisous. Tout à fait. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour le quiz Halloween avec le grand jeu d'Halloween. Mais la deuxième manche, Alissa, tu avais une astuce, est-ce que tu sais la faire en deux secondes? Ben, c'est pas vraiment une astuce pour le coup. Ok, bah, le temps que tu prennes ta feuille, on va déjà lancer le jingle, comme ça on gagne du temps. C'est parti, la dernière astuce d'Alissa pour cette émission, pour clôturer ça en beauté. L'astuce peu utile, mais très pratique. Alissa, qu'est-ce que tu nous as repéré en cette fin d'émission pour l'astuce? En fait, c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt pourquoi vous avez l'impression de tomber avant de vous endormir. Ah oui, quand on s'endort, parfois on tombe comme on se réveille. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça, c'est surprenant. Cette perte d'équilibre, c'est dû à une mauvaise interprétation du cerveau. Donc il est toujours actif au moment où on s'endort. Et donc il pense que le système nerveux ne fonctionne plus. Et donc il veut réveiller nos muscles. Ah oui. Et comme ils sont engourdis, pardon, il croit tout simplement que vous êtes en train de mourir. Donc cette sensation peut aussi se produire lorsque vous ressentez une extrême fatigue physique. Ah oui, quand même. Ah, ça, je m'y attendais pas, moi. Ouais. Et ouais. Donc ça, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est plus une anecdote et puis une petite réponse. Ouais. Ça arrive, je pense, à un tas de gens, à tout le monde. Ouais. Bah ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement. Ah oui, mais c'est horrible. Souvent, t'as l'impression de tomber dans un trou. Ouais, t'as l'impression de mourir, en fait. Et quand tu te réveilles, t'es ouf. Ouais. Tu te sens vivant, quoi. C'est impressionnant. Bah voilà, merci pour ce conseil. La vie est belle. La vie est belle, aussi belle que toi. Claire Chazal, qu'est-ce que tu as à nous dire? Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle. Merci à toute l'équipe, merci Emilien pour tout ton travail, merci pour ta présence, pour ta danse, pour tout ce que tu es, ta coiffure. Alissa, merci pour ton, on se retrouve tous la semaine prochaine. Oui, merci. 22h47, on a la bourre, c'est pas grave, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, passez une très belle semaine et un bon dimanche. Bisous.